Chapitre 14. La fête des âmes. Il est dans l'année trois circonstances, trois fêtes solennelles où tous les morts de chaque région se donnent rendez-vous. La veille de Noël, le soir de la Saint-Jean, le soir de la Toussaint. Pendant ces deux nuits, on n'a rien à redouter des mauvais esprits. Le petit Jésus et Saint-Jean rendent nuls les maléfices. Pendant la messe de minuit, les flammes du purgatoire s'éteignent et on ne voit pas de revenants sur la terre. Si un homme a le courage de se blottir au fond de l'ossuaire pendant la messe de minuit, il voit venir à lui l'ankou qui lui apprend le nom des gens de la paroisse qui mourront l'année suivante. Dans une tradition du Morbihan, l'ankou touche du doigt ceux qui doivent mourir dans l'année. Pour le voir, il faut avoir jeûné la veille jusqu'à la levée de 9 étoiles et tenir l'index dans le bénitier. Un homme qui était dans les conditions voulues et qui vit l'ankou se diriger vers lui voulut sortir de l'église, mais l'eau du bénitier était gelée et il ne put retirer son doigt. La nuit de Noël, on les voit défiler par les routes en longue procession. Ils chantent avec des voix douces et légères le cantique de la nativité. On croirait, à les entendre, que ce sont les feuilles des peupliers qui bruissent, si, à cette époque de l'année, les peupliers avaient des feuilles. À leur tête marche le fantôme d'un vieux prêtre, aux cheveux bouclés, blancs comme neige, au corps un peu voûté. Entre ses mains décharnées, il porte le ciboire. Derrière le prêtre vient un petit enfant de chœur qui fait tinter une minuscule clochette. La foule suit sur 2 rangs. Chaque mort tient un cierge allumé dont la flamme ne vacille même pas au vent. Les noyés, eux aussi, font à la surface de la mer la procession de la nuit de Noël. On s'achemine de la sorte vers quelques chapelles abandonnées et en ruine, où ne se célèbre plus d'autre messe que celle des âmes défuntes. La messe des âmes. Mon grand-père, le vieux chaton, s'en revenait un soir de Paimpol, où il avait été touché des rentes. C'était la veille de Noël. Tout le jour il avait neigé, en sorte que la route était toute blanche. Blancs aussi étaient les champs et les talus. Craignant de perdre son chemin dans toute cette neige, mon grand-père faisait marcher son cheval au pas. Comme il arrivait près de la vieille chapelle en ruine qui est en contrebas de la route, sur le bord du Trieux, il entendit sonner minuit. Et aussitôt une cloche au son grêle se mit à tinter comme pour la messe. « Tiens, » pensa mon grand-père, « on a donc restauré la chapelle de Saint-Christophe. Je ne m'en suis pas aperçu ce matin à mon passage. Il est vrai que je n'ai pas regardé de ce côté. » La cloche tintait toujours. Il résolut d'aller voir ce que cela signifiait. La chapelle se dressait, comme toute neuve, sous la lumière de la lune. À l'intérieur étaient allumés des cierges dont les reflets rougeâtres éclairaient les vitraux. Grand-père chaton mit pied à terre, attacha son cheval à une barrière qui était là et pénétra dans la maison du saint. Elle était pleine de monde et tout ce monde était d'un recueillement. Pas même un de ces bruits de toux qui rompent à tout moment le silence dans les églises. Le vieux s'agenouilla sur les dalles à l'entrée du porche. Le prêtre était à l'autel. Son acolyte allait et venait par le chœur. Grand-père se dit « Au moins, je n'aurais pas manqué la messe de minuit. » Et il se mit à prier, selon l'usage, pour ceux de ses parents qu'il avait perdus. Le prêtre, cependant, venait de se tourner vers l'assistance, comme pour la bénir. Grand-père remarqua qu'il avait les yeux étrangement brillants. Chose plus étrange, Ses yeux semblaient l'avoir distingué, lui, chaton, dans toute cette foule, et leurs regards restaient posés sur lui, fixement. C'était au point que grand-père en éprouva une sorte de gêne. Le prêtre, ayant pris une hostie dans le ciboire et la tenant entre ses doigts, demanda d'une voix sourde « Y a-t-il quelqu'un qui puisse recevoir ?» Personne ne répondit. Par trois fois, le prêtre répéta sa question. Même silence parmi les fidèles. Alors grand-père Chaton se leva. Il était indigné de voir tout ce monde demeurer comme indifférent à la parole d'un prêtre. « Ma foi, monsieur le recteur, s'écria-t-il, je me suis confessé ce matin avant de me mettre en route, dans l'intention de communier demain, jour de Noël. Mais si cela peut vous faire plaisir, je suis prêt à recevoir dès maintenant le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le prêtre aussitôt descendit les marches de l'autel pendant que grand-père traversait la foule pour aller s'agenouiller à la balustrade du chœur. « Ma bénédiction sur toi, chaton !» dit le prêtre dès que grand-père eut avalé l'hostie. « Une nuit de Noël qu'il neigeait comme ce soir, je refusais d'aller porter le viatique à un moribond. Voilà 300 ans de cela. Pour que je fusse délivré, il fallait qu'un vivant acceptât à communier de ma main. Merci à toi. Tu me sauves, et tu sauves en même temps toutes les âmes défuntes qui sont ici présentes. Au revoir, chaton. Au revoir, à bientôt dans le paradis. » À peine achevait-il ces mots que les cierges s'éteignirent. Grand-père se retrouva seul dans un édifice en ruine et qui n'avait pour toit que le ciel. Il se retrouva seul au milieu des grandes ronces et des bouquets d'orties qui avaient envahi toute la nef. Il eut mille peines à s'en dépêtrer. Il remonta à cheval et continua son chemin. Rentré chez lui, il dit à sa femme, « Il te faudra te résigner à me perdre avant qu'il soit longtemps. J'ai déjà reçu le viatique. Mais console-toi, ce viatique doit me conduire tout droit en paradis. » 15 jours après, il mourut. Conté par Charles Corr, dit Charles Bipi, Pain-Vénant, 1885. Le baptême de minuit. En ce temps-là, Saint-Gonval, en Pain-Vénant, aujourd'hui tombé au rang de pauvre chapelle, était encore église de paroisse. Mon grand-père maternel avait un de ses frères qui demeurait dans la ferme à côté. Olivier Jézéquel était son nom. C'était un homme prudent et sage et qui avait su amasser du bien, quoique les temps d'alors fussent durs aux travailleurs de terre. Il est vrai que ce n'est pas à élever des enfants qu'il eût pu se ruiner, car il n'avait qu'une fille unique, une pénérèse, comme on dit, laquelle allait sur ses 20 ans. Justement, il venait de la fiancer à un fils de maison du voisinage, un nommé Patrice Pinquer. Et cela promettait, ma foi, de faire un ménage des mieux assortis. Depuis que les bans avaient été publiés, le jeune homme venait tous les soirs, selon l'usage, rendre visite à sa future. Gens qui s'aiment ont mis le baliverne à se compter. Les vieux étaient dûment couchés et endormis que la pénérèse et son galant devisaient encore, assis dans le foyer, de part et d'autre de la cendre. Et lorsqu'enfin ils se séparaient, ce n'était jamais que sur la dernière marche du seuil, à moins que ce ne fût à l'entrée de la cour. Un soir, que Patrice Pinquer s'était oublié jusque proche la minuit à faire des yeux d'amour à sa douce, comme celle-ci, pour être quelques instants de plus en sa compagnie, le reconduisait à travers le fumier de l'air, ils furent tous deux témoins d'un spectacle qui les surprit. Le porche de Saint-Gonval avait ses battants larges ouverts et l'intérieur de l'église était illuminé comme pour une grand-messe de jour de Pâques. « Savoir qu'est-ce qui se passe ?» se demandèrent-ils. Et ils regagnèrent la maison pour réveiller les vieux et leur dire la chose. « Venez voir, ça vaut vraiment la peine !» Mis au courant de ce dont il s'agissait, Olivier Jézéquel hocha la tête. « Ce n'est pas la première fois que pareil fait se produit. Quand vous aurez mon âge et que vous aurez appris à connaître le train du monde, vous vous persuaderez qu'il y a beaucoup de cas où le meilleur est d'avoir des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Rentrez chez vous en paix, Patrice Pinquer, et vous, ma fille, faites votre signe de croix pour monter au lit. » « Vous dites bien, mon père, » répliqua la pénérèse, qui souffrait du mal de curiosité comme toutes les femmes. « Mais si, cependant, c'était le sacrement d'extrême onction qu'on s'apprête à porter en grande pompe chez quelques personnes de qualité. Il faut vous avertir qu'à cette époque, quand le bon Dieu allait chez un noble, on ne se contentait pas de le faire précéder d'une simple lanterne, comme cela avait lieu pour les paysans. Il y fallait tout un cortège de flambeaux. Si vous ne voulez pas m'en croire, faites à votre gré, déclara mon grand-oncle qui ne discutait jamais. Et nos jeunes gens de se rendre à l'église contre son avis. La nef et les bas-côtés étaient complètement déserts, mais dans le chœur, que les cierges illuminaient d'une clarté blanche et vive comme celle de la jeune lune, se tenaient trois créatures humaines. Un prêtre d'abord, debout sur la plus haute marche de l'autel auquel il tournait le dos, puis à ses pieds, une vieille femme agenouillée, enveloppée d'une mante noire, comme en ont les Groar an Hollen, mot à mot, fée ou vieille au sel. On appelle ainsi la matrone qui porte le nouveau-né à l'église le jour du baptême. Et c'était bien une Groar an Hollen, en effet, car elle présentait au prêtre un petit enfant étendu sur ses bras. Patrice Pinquer et sa promise s'approchèrent intrigués. Le prêtre ne les eut pas plutôt aperçus qu'il joignit les mains et dit « Marte Jesu, tu diva arbedman. Cap d'avez à Paeron, à Maeronès d'Arbugelman ? Peut-être y a-t-il des gens de ce monde capables de servir de parrain et de marraine à l'enfant que voici ? En parlant de la sorte, il regardait fixement la pénérèse Jézéquel et son ami Patrice Pinquer. Eux ne savaient trop quelle contenance faire. Ils eussent préféré maintenant n'être pas entrés. Comme il restait là, hésitant, celui qui officiait répéta sa demande. Alors ils se décidèrent et Patrice Pinquer répondit « Nous sommes ici deux qui pouvons être parrain et marraine de l'enfant que vous dites, car nous ne sommes pas encore mariés femmes. » « Dieu vous bénisse !» murmura le prêtre en descendant les marches de l'autel. Et après avoir fait réciter le credo in deum aux deux jeunes gens, il procéda au baptême. Puis, quand ce fut fini, « Je vous dois l'explication de tout ceci, » prononça-t-il. « Vous voyez en moi l'ancien recteur de Saint-Gonval. Vous ne m'avez pas connu, car vous n'étiez pas de ce monde que j'en étais depuis longtemps sorti. Un jour, on vint me chercher en hâte au presbytère pour baptiser cet enfant. Or, j'étais allé dîner chez mon confrère de Camblaise. Le soir, j'étais de retour, mais dans l'intervalle, l'enfant était mort sans baptême. C'est pourquoi, depuis que je suis allé dans l'autre monde, Dieu m'a condamné à revenir à cette place chaque nuit jusqu'à ce que j'aie trouvé parrain et marraine pour m'aider à réparer ma faute. Il y a plus de 30 ans que cela dure. Grâce à vous, l'âme de l'enfant est maintenant au ciel et moi, mon temps de pénitence est fini. Dieu vous récompensera de votre bonne action mais en vous donnant d'autres joies que celles que vous espérez. » À peine avait-il dit que les cierges s'éteignirent, et les deux jeunes gens furent plongés dans une obscurité si profonde qu'ils durent s'orienter vers le porche à tâtons. Le lendemain, ils tombaient malades, chacun de leur côté, d'une maladie de languissance contre laquelle tous les remèdes demeurèrent impuissants. Leurs troisième bancs ne furent jamais publiés. Mais s'ils n'ont pas été mariés sur cette terre, sans doute le sont-ils à présent en paradis. Amen. Conté par Jean-Marie Toulousan, Port-Blanc. La nuit de la Saint-Jean, dans tous les bourgs, dans tous les hameaux de la Basse-Bretagne, s'allument les tantades ou bûchers. À Paimpol, le bûcher est construit exclusivement avec des paniers hors d'usage, ayant servi au transport du poisson et que l'on enveloppe dans un filet de pêche. Voir les Saint-Bretons, d'après la tradition populaire, les Annales de Bretagne, tome 9, page 594, par Anatole Le Braz. Quand le feu a fini de flamber, l'assistance s'agenouille en cercle autour du monceau de braise, et l'on commence à réciter les grâces. C'est toujours un ancien qui se charge de ce soin. La prière terminée, l'ancien se lève, chacun en fait autant, et tout le monde, rangé sur une file, se met à marcher en silence autour du tantad. Au troisième tour, on s'arrête. Chacun ramasse à terre un caillou et le jette dans le feu. Ce caillou s'appelle dès lors Anaon. Ce rite accompli, la foule se disperse. Dès que les vivants ont disparu, les morts accourent, car le feu attire les morts qui ont toujours froid. Armaroïen, disent les bas bretons, la mort froide. Même dans les belles nuits tièdes du mois de juin. Ils sont heureux de pouvoir se chauffer à ce qui reste du tantad. Ils s'asseyent sur les pierres, sur les anaons qui ont été mis là à leur intention. Et jusqu'au matin, ils se chauffent. Le lendemain, les vivants viennent visiter l'emplacement du feu de la veille. Celui dont l'anaon a été retourné peut s'attendre à mourir dans l'année. Il est d'usage de se rendre au feu de la Saint-Jean avec une fleur appelée pour cette raison Lousawen Santian, herbe de Saint-Jean, dont on a fait passer 9 fois la tige dans les flammes. Rentré chez soi, on la plante debout derrière la corniche d'un meuble, armoire ou vaisselier. De deux choses l'une, ou bien elle fléchit la tête en séchant, ou bien, au contraire, elle la raidit. Dans le premier cas, c'est signe que la personne qui l'a cueillie doit mourir dans l'année. Dans la haute et basse Cornouaille, il est d'usage de vendre aux enchères les cendres du feu de la Saint-Jean. La personne qui les achète est assurée de ne point mourir dans l'année. Voir la nuit des feux d'Anatole Le Braz dans Pâques d'Islande. Le soir de la Toussaint, veille de la fête des morts, Gwel an Anaon, les défunts viennent tous visiter les vivants. Ils disent que la veille de la fête des morts, il y a plus d'âmes dans chaque maison que de grains de sable dans la mer et sur le rivage. Cambry, voyage dans le Finistère. Les vivants ont fait, après vêpres, la procession du charnier. Les prêtres et les chantres ont entonné devant l'ossuaire la complainte qui porte son nom, Gwerz ar Garnel. Voici cette Gwerz. Venons au charnier chrétien, voyons les ossements de nos frères, sœurs, pères et mères, de nos voisins, de nos amis les plus chers, voyons l'état pitoyable où ils sont réduits. Vous les voyez cassés, émiettés, même la plupart sont en poussière tombés. Ici, plus de noblesse, plus de fortune, plus de beauté, la mort et la terre ont tout confondu. Entre le pauvre et le riche, le maître et le valet, plus de différence. Tous sont semblables. Il ne reste d'eux que des os, de la poussière et de la pourriture. Ils nous dégoûteraient si nous n'en avions pitié. Eh bien, en ce pitoyable état où ils sont réduits, ils parlent, et leurs paroles muettes et d'une singulière éloquence. Ils nous font la leçon et c'est à nous d'en profiter tant qu'il plaira à Dieu de nous laisser en ce monde. Écoutez donc leur enseignement, écoutez-le bien, avec un cœur désireux d'en tirer bon profit. Ils vous disent clairement qu'eux aussi ont été de ce monde et que vous mourrez comme eux quand vous y penserez le moins. Nous avons vécu sur terre tout comme vous, nous avons devisé, marché, bu et mangé, et voici maintenant en quel état nous sommes réduits, après avoir été en terre servir de pâture aux vers. J'étais un homme robuste et galant, moi un gentilhomme, moi un homme riche, moi un homme habile. J'ai perdu ma noblesse, j'ai perdu ma fortune, j'ai perdu force et beauté, j'ai perdu ma science. Nous n'avons eu que nos personnes et nos bonnes œuvres à présenter à notre juge, à notre roi, à notre père. Laissez donc les biens de la terre, détestez les vices et habillez vos âmes de toutes sortes de vertus. Que si vous demandez où s'en sont allées nos âmes, au purgatoire elles sont, loin encore des cieux. Elles sont dans le feu qui brûle pour achever de payer la dette qu'elles ont contractée sur terre envers le vrai Dieu. Terrifiées par les flammes, elles s'époumonent à crier, à implorer vos prières pour s'évader au plus vite des prisons ténébreuses où elles sont jetées. Hâtez-vous de les secourir et ne différez point. À vous, nous nous adressons, parents et amis. Ayez souvenir de nous. Quand vous allez par le cimetière, dites en passant, Dieu pardonne à l'Anaande dans le purgatoire, car c'est là notre pays. Une aumône, une prière faite à plein cœur, un jeûne ou une messe ou une communion peuvent beaucoup pour nous soulager, pour abréger nos peines et pour nous arracher d'un coup à l'horreur des flammes. Prêtres aimants qui nous avaient guidés dans le chemin du salut lorsque nous étions du monde, continuez encore quelque peu à avoir pitié de nous et à nous donner par bonté d'âme toutes sortes de biens. Quand vous montez à l'autel pour officier, quand Dieu descend vers vous, écoutez alors notre cri. Du sein des flammes, nous vous supplions de nous aider par le saint sacrifice à faire avec Dieu notre paix. Et quand nous aurons fini d'expier notre péché, nous adresserons pour vous à Dieu notre requête. Priez. Nous le ferons à notre tour. Aidons-nous les uns les autres, c'est un bon moyen pour empêcher que personne se perde. Comme l'eau éteint le pire incendie, ainsi le feu du purgatoire est aussi éteint par le saint sacrifice répandu sur l'autel. Demandez notre délivrance au nom de Dieu le Sauveur. Dès que le soleil lumineux s'élance hors des nuages, le monde entier aussitôt resplendit de clarté. Nous aussi nous nous lèverons clairs comme les étoiles par la vertu du saint sacrifice quand seront terminées nos peines. Adieu pères et mères, frères et sœurs, adieu parents, amis, adieu vous les vivants du monde, nous vous faisons maintenant nos derniers adieux. Adieu tous, au revoir dans la vallée de Josaphat. Donnez le durable repos Jésus notre Maître au bon Anaande trépassé qui est dans les flammes. Envoyez-le au paradis pour vous louer à jamais, avec les saints, avec tous les anges. J'ai traduit cette complainte du recueil d'hymnes religieuses intitulé « Canuenus antel, dilenet ha reset evit, escopli camper ». Ce recueil est de l'abbé Henri. L'auteur a quelque peu modifié le texte populaire, mais ces modifications n'ont porté que sur certaines expressions auquel il a tenu à donner une forme plus archaïque, plus scientifiquement bretonne. Encore a-t-il eu la probité de dresser en tête de l'ouvrage une sorte de lexique des mots anciens qu'il a cru devoir substituer aux termes actuellement en usage. La Guerze dont je donne ici la traduction est d'un caractère saisissant, mais il la faut entendre chanter en breton par de rudes voix de paysans et dans le cadre funèbre qu'elle comporte. Je n'oublierai jamais l'effet qu'elle produisit sur moi un soir de Toussaint, dans le pauvre cimetière de Spézet, un bourg perdu de la Montagne Noire. Toute cette région de la Cornouaille du centre est elle-même une sorte de cimetière préhistorique hérissé de monticules qui, dans la solitude des Landes, semblent un peuple de cairns mystérieux. Dans ce vaste pays mortuaire, cette mélopée puissante, cette lamentation si large, si monotone, avait vraiment une grandeur farouche et vous communiquait un frisson très particulier. La guerze, chantée, chacun rentre chez soi. Puis on s'installe au coin du feu pour causer de ceux qui sont morts. La maîtresse de la maison recouvre d'une nappe blanche la table de la cuisine et, sur cette nappe, dispose du cidre, du lait caillé, des crêpes chaudes. Ces repas des morts deviennent de plus en plus rares, mais l'usage n'en est pas entièrement aboli. Cambry écrivait en 1799 « Le 1er novembre, on fait encore dans quelques cantons reculés du district de Quimper des crêpes, un repas pour les morts. Voyage dans le Finistère, tome 3, page 48. » Voir aussi « La nuit des morts » d'Anatole Le Braz dans « Pâques d'Islande ». À l'île aux Moines, dans le Morbihan, le soir de la Toussaint, on laisse sur la table une assiette de crêpes pour les morts qui, cette nuit-là, ont le privilège de revenir sur la terre et de visiter leurs anciennes demeures à condition de rentrer sous terre au premier chant du coq. Moricet, l'île aux Moines, ses mœurs et ses habitants. Ces préparatifs terminés, tout le monde se couche. Le feu est entretenu dans l'âtre par une énorme bûche, la bûche des défunts, Kef an Anan. Vers les 9h, 9h30, des voix lamentables s'élèvent dans la nuit. Ce sont les chanteurs de la mort qui se promènent par les routes et viennent, au nom des défunts, interpeller sur le seuil des maisons les vivants près de s'endormir. Ils disent la complainte des âmes. « Mes pauvres gens, ne vous étonnez point, si au seuil de votre porte nous survenons, c'est Jésus qui nous a envoyés vous réveiller si vous êtes endormis. C'est Jésus qui nous a envoyés vous réveiller si vous êtes endormis, vous réveiller de votre premier somme, afin que vous priiez Dieu pour les âmes. Vous êtes dans votre lit bien à l'aise, les pauvres âmes sont en peine. Vous êtes dans votre lit doucement étendu, les pauvres âmes sont en détresse. Un drap blanc, 5 planches, un bouchon de paille sous notre tête, 5 pieds de terre par-dessus, voilà tous nos biens en ce monde où nous sommes. Vierge Marie, Mère de Jésus, c'est ici la triste complainte, c'est ici la triste complainte qui vient du ciel de la part de Jésus. Peut-être votre père et votre mère sont-ils au purgatoire dans le feu flambant, peut-être votre frère et votre sœur sont-ils dans le feu flambant du purgatoire. Ils sont là sur leur bouche, feu au-dessus, feu au-dessous, feu au-dessus, feu au-dessous, criant, implorant vos prières. Par ceux que nous avons nourris, voici beau temps que nous sommes délaissés. Priez, parents et amis, car nos enfants ne le font pas. Priez, parents et amis, car nos enfants ne le font pas. Priez, parents et amis, car les enfants sont des ingrats. Allons, sautez de votre lit, sautez pieds nus sur la terre, à moins que vous ne soyez malade ou déjà surpris par la mort. Les gens qui vont ainsi chanter de porte en porte la complainte des âmes durant la nuit de la Toussaint ont souvent senti passer sur leur cou l'haleine froide de l'Anaan qui se pressait en foule derrière eux. Souvent aussi on a entendu cette nuit-là les feuilles mortes bruire dans les sentiers, comme sous les pas d'êtres invisibles. Les morts passent toute la nuit qui précède leur fête à se chauffer et à se régaler dans leur ancienne demeure. Il n'est pas rare que les gens de la maison entendent remuer les escabeaux. Le lendemain, on constate parfois que les visiteurs nocturnes ont changé de place les assiettes dans le vaisselier. Au point du jour, les morts se rendent en même temps que les vivants à la messe qui se célèbre à leur intention dans l'église de la paroisse. Une année que mon père se rendait seul à la messe des morts, il s'entendit aller soudain par quelqu'un qui paraissait vouloir le rejoindre. « Hé, Yoen, attends-moi » Il se retourna et ne vit personne, mais il avait distinctement reconnu la voix de sa mère, morte l'année d'avant. Contée par Marie Yostiou, Quimper, 1887. La paroisse de Plougastel d'Aoulaz, une des plus importantes du Finistère, est divisée en un certain nombre de frairies. Breuriaise. Le soir de la Toussaint, après les vêpres des morts, les membres de chaque frairie se réunissent chez l'un d'eux pour y célébrer le rite suivant. La table de la cuisine est garnie d'une nappe sur laquelle s'étale une large tourte de pain fournie par le maître de la maison. Au milieu de la tourte est planté un petit arbre portant une pomme rouge à l'extrémité de chacun de ses rameaux. Le tout est recouvert d'une serviette blanche. Lorsque la frairie est rassemblée autour de la table, le maître de la maison, en qualité d'officiant, commence les prières des défunts, répondues par les assistants. Puis, les prières dites, il enlève la serviette, coupe la tourte de pain en autant de morceaux qu'il y a de membres dans la frairie et met ces morceaux en vente au prix de 2, de 4 et même de 10 sous l'un. Celui des membres de la frairie qui n'achèterait pas son pain des âmes, Bara an Anaon, encourrait la malédiction de ses parents défunts. Rien ne lui prospérerait plus. L'argent ainsi récolté est consacré à faire dire des messes et des services pour les trépassés. Quant à l'arbre aux pommes rouges, symbole de la Breuriaise, dont il porte du reste le nom, la personne chargée de fournir le pain l'année d'après le vient quérir en grande pompe dès que la nuit est proche et dispose à son gré des fruits dont il est paré, en attendant de les remplacer par d'autres. Communiqué par Amédée Créard, L'Oberlar, 1894. À l'île de Saint, le 1er novembre, le recteur désigne au prône de la grand-messe, pour accomplir le soir les rites de l'Anaon, 8 jeunes gens pris parmi les notables de la paroisse. Sitôt terminées les prières de nuit qui durent jusqu'à 10 heures, 4 de ces jeunes gens demeurent dans l'église que les fidèles ont vidée et, d'heure en heure, font retentir les glas. Les 4 autres, munis d'une cloche portative, circulent à travers la bourgade, s'arrêtant devant toutes les maisons où il y a eu des décédés dans l'année et psalmodiant en chœur. Christianien, diffunit, a lavaramp un de profundis evitan anaon tremenet. Chrétien, réveillez-vous et disons un de profundis pour les âmes trépassées. Ils récitent eux-mêmes le de profundis répondu de l'intérieur par les habitants de la maison. Arrivé au requiescant in pace final, ils le clament de toute la force de leurs poumons. À chaque seuil, on leur remet une obole qui n'est jamais inférieure à 20 sous, et ils font ainsi des collectes de 200 à 250 francs qu'ils vont, le lendemain matin, déposer au presbytère. Une année, le maire voulut, paraît-il, interdire cette coutume comme attentatoire à l'ordre public. Mais quoiqu'il n'y eût personne dans l'église close, le glas funèbre n'en retentit pas moins, comme d'habitude, d'heure en heure, pendant toute la nuit. Les cloches le tintaient d'elles-mêmes. Jeff et Fouquet, île de Saint. Le jour des morts, dans toutes les fermes, il est d'usage, après le repas du soir, d'allumer un grand feu dans l'âtre. Ce feu ne doit servir ni à cuire des aliments, ni à se chauffer. Aucun vivant ne vient s'asseoir autour et l'on ne suspend au-dessus aucun vase. C'est le feu de l'Anaon, uniquement destiné à la purification des âmes, à leur délivrance définitive des flammes du purgatoire. On s'abstient également ce soir-là de prendre aucune espèce de nourriture après le souper. La nourriture que prendraient les vivants ferait, dit-on, du mal aux défunts. François Leroux, Rosporden, 1894. C'est un usage à Douarnenez que le jour de la fête des morts, lendemain de la Toussaint, les femmes qui, en temps ordinaire, n'ont pas le droit d'embarquer à bord des bateaux de pêche, aillent faire une promenade sur mer avec leurs hommes. Parvenues, sinon au large de la baie, du moins à une certaine distance de la côte, elles récitent des De profundis pour les marins de leur famille péris en mer et dont les cadavres n'ont pas été retrouvés. Communiqué par Prosper Pierre, Douarnenez. Il n'y a pas de bonheur pour les maisons dans lesquelles on omet de terminer les grâces, prières du soir, par l'oraison suivante en breton. Tous ceux qui sont dans la maison, Dieu les garde. Tous ceux qui sont dehors, Dieu les conduise. Dieu délivre toute âme pour qui nous avons le devoir de prier. Paix et santé à la compagnie. Aux pauvres Anaon, salut. La paix de Dieu à ceux qui vivent et les joies du paradis à ceux qui sont morts. Marguerite Philippe, plus une est. Lorsque le messager de mariage, le Bas Vanel, va demander la main d'une jeune fille pour un jeune homme de son quartier, il doit terminer son discours en vers par la formule suivante. Benos arrevaro nalanket da hulen, rak kals agalun contristet arafen, guel es eo urbeden don anaon desedet, Evil ne ho benos panemant var arbed. Dresem ho ped ol dalaret gamin me, ar psalm deus an ilis en repos do ine. La bénédiction des parents morts, je ne puis la demander, car il y a bien des cœurs que je contristerai. Mieux vaut prier pour les trépassés que d'implorer leur bénédiction, puisqu'ils ne sont plus de ce monde. En conséquence, je vous invite tous à réciter avec moi le psaume de l'Église pour le repos de leur âme. Après quoi il commence le De Profundis et l'assistance lui donne les réponses. S'il omettait ce cérémonial, la vengeance des parents défunts poursuivrait les jeunes époux et rien ne leur réussirait. Compté par Lauric Laure, Port-Blanc, 1896. Les mendiants qui, la veille du jour de l'an, vont, deux par deux, chanter la bonne année de porte en porte, disent pour finir en se découvrant « Ur blaves madvar andoar, da ineho tud, joie ha gloire, donnez, donnez, requiescant in pace, mar intre tardet poagno, notre due do delivro, niso amandau den achris, Alaro eun de profundis. Une bonne année sur la terre, à l'âme de vos parents, joie et gloire. Donnez, donnez, requiescant in pace, s'ils sont retenus dans les peines du purgatoire, que le Seigneur Dieu les délivre. Nous sommes ici deux hommes au courant des usages qui diront un de profundis. Yannick R. Veloen, mendiant, Pleu Daniel.